Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mardi 16 février 2021, il est 14h01, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre nouvelle émission proposée par Radio Guémozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos studios à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Monsieur Adam Etienne, qui est venu nous parler de son entreprise ouverte tout récemment, Rustique Bois. Bonjour Etienne, bonjour Adam, pardon. Bonjour Chris. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, bah, du coup, Adam Etienne, je suis de Gerbamont, j'ai 25 ans, et du coup, je viens de créer mon entreprise Rustique Bois au mois de juin l'année dernière. D'accord. Donc, comme vous venez de le dire, votre entreprise Rustique Bois est ouverte tout récemment, donc en été, l'été dernier. C'est ça. Voilà. En combien de temps avez-vous créé votre entreprise? Bah après, c'est plus les démarches administratives, mais en 2-3 mois, en prenant le temps, ça s'est fait assez vite. D'accord. Et pour les locaux, vous travaillez chez vous? Ouais, je travaille dans les bâtiments de mes parents. Ok, très bien. Qu'est-ce que Rustique Bois? C'est une entreprise qui fabrique essentiellement du meuble rustique, en massif principalement, et en bois assez, on va dire, véritable. D'accord, donc c'est pour ça, Rustique Bois, voilà. Parce que c'est le bois rustique et véritable. C'est ça. Ok. Parce que je suis pas adepte de tout ce qui est panneaux de particules et tout ça, c'est pas mon truc, c'est pas mon domaine. D'accord. Et c'est plus chaleureux de travailler le bois massif, on va dire. D'accord. Donc justement, vu que c'est une entreprise de menuiserie et ébénisterie, c'est ça? Oui. Avez-vous une formation dans ce domaine? Quelles études avez-vous effectuées pour être là où vous en êtes aujourd'hui? Alors, d'abord, après la troisième, j'ai fait un... déjà, même la troisième, j'ai fait une troisième découverte professionnelle à Charmes. D'accord. On avait 6 heures de découverte par semaine. Mmh. Donc, ça touchait tout ce qui était métal ouvert, architecture, maçonnerie et menuiserie. D'accord. Et ensuite, du coup, c'était aussi pour cibler un peu mon domaine d'activité future. Mmh. Et du coup, après, j'ai fait un CAP ébénisterie à L'Ifolle-le-Grand. D'accord. Et suivi d'un bac pro technicien de fabrication, bois et matériaux associés, pareil, à L'Ifolle-le-Grand. Ok. Donc, justement, avant de créer votre entreprise, vous aviez déjà travaillé dans d'autres entreprises? Oui. Donc, depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier, vraiment, le métier? Ça fait plus de 10 ans. D'accord, ok. Parce que j'ai commencé mon premier contrat d'apprentissage à 15 ans. D'accord. Ok, donc maintenant vous êtes à votre compte du coup. Voilà, c'est ça. Très bien. Avez-vous, avec Rustique Bois, un public cible? En d'autres termes, fabriquez-vous des meubles et du mobilier pour les professionnels, pour les particuliers ou par exemple pour des restaurants ou encore des bars? Pour l'instant, le temps de faire la clientèle, c'est aussi le temps de s'installer. Mais bien sûr. Là, pour l'instant, j'ai un peu des deux, parce que j'ai fait de la rénovation pour le bar de l'Estaminet, donc c'est un professionnel. Oui. Et après, toutes mes autres fabrications, c'est beaucoup du particulier. D'accord. Et vous avez une préférence entre travailler pour un professionnel ou pour un particulier? Bon, pas spécialement. Après, en principe, ça peut être plus intéressant de travailler pour un particulier, parce qu'en général, les professionnels auront plus tendance à travailler avec des grosses entreprises, histoire de tirer les prix aussi. Bien sûr. Ok. Donc, selon vous, pour être un bon menuisier ébéniste, quelles sont les qualités requises, les qualités presque impératives? Être minutieux. Mmh. Maintenant, j'aurais dit ouvert d'esprit, parce qu'il y a tellement de variétés de choses à faire. Bien sûr. Être minutieux, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est pas grave. Puis voilà, quoi, après, avoir de la rigueur. Voilà. D'accord. Bon, allez, je propose que nous nous lançons directement dans une première fréquence, comme j'aime à l'appeler, hein, dans un premier son que vous avez choisi. Oui. Un son hip-hop rap. Et nous allons donc écouter DMX et son titre It's Gonna Give It To Ya. Voilà mon accent. Et on se retrouve juste après. Yo, get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. listen. It's what you hear it, listen. It's what you hear it, listen. X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. I'll go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you get it. Damn right, can I do it again? Cause yeah, I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfuckers never wanna know what your life saved. Bitch, and that's what a life day I'm getting down, down. Make a nigga sit freeze. I won't be the one ending up on his knees, bitch, please. But the only thing you can't steal came out to play. Stay out my way, motherfucker. We gonna rock, do we gonna fall? Do we let it pop? Give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. They ain't never gave nothing to me. But every time I turn around, cats got their heads out, wanting some from it. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, cause I ain't with it. Hit it with full strength. I'm a jail nigga, so I face the world like a girl in the bullpen. Against me, me against you. Whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do. I'm a wolf in sheep clothing. Only nigga that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these tears. I put in work and it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. They don't know who we be looking. They don't know who they see, nigga. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. Hey yo, where my niggas at? I know I got them down in the greens. Give them love and they give it back. Talk too much for too long. Don't give up, you're too strong. Love to the wild, wild hunters. Shout out to niggas that done it. And it ain't even about the dough. It's about getting down for what you stand for, yo. For real. We gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Come on. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours, nous sommes toujours en direct dans Fréquence Libre, il est 14h09, vous venez d'écouter DMX et son titre « X gonna give it to ya ». Et nous sommes toujours en compagnie d'Adam Etienne qui est venu nous parler de son entreprise Rustique Bois. Ça va toujours ? Ça va toujours. Donc j'aime bien poser à mes invités cette question, pourquoi avoir choisi ce son ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou juste parce que vous aimez bien et voilà ? Bah, c'est la musique du film, d'un film que j'aime bien et du coup c'est une bonne musique que j'aime bien entendre de temps en temps. Ok, bah nickel. Voilà. Donc, le Adam Etienne enfant, était-il également attiré par la menuiserie et l'ébénisterie, ou est-ce un chemin, qui s'est dessiné au fur et à mesure du temps ? Bah, je pense quand même plus au fur et à mesure du temps, mais j'étais quand même attiré par autre chose, on va dire, que mes frères. Mm-hmm. Parce que bah, mon père est carrossier soudeur, mon grand frère était mécanicien poids lourd. D'accord. Et mon autre frère était aussi dans la mécanique parc et jardin. D'accord. Et pour moi, c'est plus un métier assez froid et du coup, je préférais m'orienter vers le bois. D'accord. Bah, vous avez un petit peu répondu à ma question suivante. Je demandais si la menuiserie et l'ébénisterie, si c'était deux domaines familiaux ou si vos frères et sœurs étaient-ils partis dans un autre domaine, mais vous venez d'y répondre. Voilà. Donc, je pense que nous pouvons dire déjà en faisant mes recherches que j'ai remarqué que votre entreprise Rustique Bois, créée donc à l'été dernier, commence sur de bons rails. Oui, c'est pas, on va dire que c'est pas trop mal pour un début. Il y a pas mal de chantiers différents, puis très intéressants à faire. D'accord. Que ce soit aussi bien des plans de travail de cuisine que des lits entièrement. des escaliers, un peu toutes sortes de mobilier qui sont assez beaux à voir et à fabriquer. D'accord. Donc justement, pour la com, au début de la création de votre entreprise, est-ce que c'est vous qui l'avez fait ou est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui s'y connaît dans la com? Non, après, c'est plus du bouche à oreille. D'accord. Et puis après, j'ai alimenté ma page Facebook par rapport aux fabrications que je faisais, mais sans plus. J'ai pas fait de publicité plus que ça. D'accord, donc c'est des gens qui viennent vers vous pour... Voilà. Très bien. Il est vrai, donc, en 2021, que nous vivons dans une époque dans laquelle le bois est très tendance, que ce soit dans les maisons ou dans certains établissements. Était-ce là aussi deux des raisons qui vous ont poussé à créer Rustique Bois? Ben oui, c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est une clientèle un peu ciblée. D'accord. Mais je pense que beaucoup... Enfin, une bonne partie de la population préfère du mobilier qui tienne dans le temps plutôt qu'on va dire de l'IKEA ou des choses de ce genre. Bien sûr. Parce que l'IKEA, c'est bien, c'est beau, c'est pas cher. Ça, une fois démonté, ça vaut plus rien. Mm-hmm. Alors que du massif, ça tiendra... Vitam aeternam, comme on dit. Bien sûr. Et en plus, IKEA, il me semble que c'est une marque suédoise. Oui. Alors que vous, c'est de la fabrication 100% française. C'est ça. Donc, c'est... pour encourager le commerce français, c'est bien d'avoir affaire à des petits artisans comme vous, par exemple. Bah oui, ça fait marcher les artisans locaux. Bien sûr. Et je vais pas dire, on va dire que, on n'utilise pas forcément toute la matière première locale, mais on essaye le maximum de travailler avec le local. D'accord. Donc, justement, vous avez parlé il y a quelques minutes du public cible. Quel est-il pour votre entreprise Rustique Bois? En principe, je dirais plutôt des familles plutôt opposées qui ont un foyer fixe, on va dire. D'accord. Déjà, c'est déjà plus facile. Mm-hmm. Et qui sont plus intéressés par du circuit court, on va dire. D'accord. Ok, oui, vous n'avez pas forcément de tranche d'âge? Non, c'est vraiment tout âge confondu, il n'y a pas de différence du tout. Très bien. Donc, en faisant mes recherches en amont de cette émission, pour préparer mes questions, car pour ne rien cacher à nos auditeurs et nos auditrices, évidemment, j'ai mes questions écrites sous les yeux, parce que sinon je me perdrais facilement, j'ai vu et j'ai lu que vous êtes plutôt sollicité pour créer des pièces uniques, qui se démarque des pièces, on va dire, normales ou banales, entre guillemets, pour parler plus ou moins crûment. Donc, quelles sont ces pièces dites uniques? Par exemple, sur vos photos que vous avez publiées sur Facebook, il y a un meuble de salle de bain que j'ai fait. D'accord, oui. Et c'est tout des vieilles planches qui sont vraiment vieillies par le temps, qui ont été travaillées à une époque, et que moi, je laisse quasiment en brut, et qui fait que c'est vraiment des pièces uniques en son genre, quoi. D'accord, donc vous avez aussi une volonté de donner une seconde vie à du bois plus ou moins vieilli. C'est ça, et c'est pareil, c'est intéressant. C'est aussi une mode bien de sûr. Travailler sur du vieux bois. Mmh. Et c'est vraiment de plus en plus à la mode ce genre de matière. D'accord. Donc j'imagine que vos clients, ou vos potentiels clients, vous ils vous donnent en gros des projets à faire. Donc, est-ce que tous les projets qui vous sont proposés sont réalisables? Non, pas toujours, parce que par la place que j'ai dans mon local actuel, d'accord. Je ne peux pas me permettre de faire tout ce qui est possible et inimaginable. Par exemple, je pourrais pas faire des cuisines laquées parce qu'il faut être équipé avec une cabine de vernis pour qu'il n'y ait pas de poussière et ce serait impossible de faire ça. D'accord. Oui, donc c'est vraiment des petites pièces, entre guillemets, que vous faites avec les moyens du bord. Hein, voilà, entre c'est guillemets. Ça. Et après, c'est pareil, comme le meuble de salle de bain, le client, je vois avec le client ce qu'il voudrait réaliser. Mm-hmm. Et après, on s'adapte avec ce qu'on peut avoir, avec ce qu'on peut faire, et puis après, en corrélation avec le client. D'accord. Donc, dans votre entreprise, vous travaillez tout seul ou est-ce que vous avez, on sait jamais, des employés sous votre... Non, je travaille seul. Après, j'ai un bon coup de main de ma mère pour les papiers. D'accord. C'est pas trop mon domaine. Ok. Mais non, je suis seul. D'accord. Donc, Rustique Bois, comme son nom l'indique, la matière première, enfin, vraiment, l'outil, c'est le bois, logique. D'où vient-il? Le bois? Oui. Eh ben, principalement des fournisseurs locaux. D'accord. Soit aussi, par exemple, de mes stocks qu'on avait déjà auparavant chez mes parents. D'accord. Et voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un type de bois que vous préférez travailler ? Le hêtre, le bouleau, etc. Je dirais plutôt le chêne. Le chêne ? Ouais, le chêne, parce qu'il peut y avoir pas mal de nuances, comme le frêne aussi. D'accord. Parce qu'il y a pas mal de nuances, ça peut être il peut y avoir de la flamme ou juste des lignes droites. Et la couleur peut varier aussi, et c'est sympa. D'accord. Donc, avant de parler des procédés que vous utilisez pour travailler, procédé d'ailleurs plutôt méconnu si nous ne sommes pas coutumiers de la menuiserie ébénisterie, je vous propose que nous nous lancions dans une deuxième fréquence, dans un deuxième son que vous avez également choisi. Cette fois, un son datant de 1990, de style plutôt hard rock, heavy metal. C'est Thunderstruck du célèbre groupe AC/DC, tiré de l'album The Razor's Edge, sorti la même année. Et on se retrouve, comme d'habitude, juste après. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo. Vous êtes toujours en direct dans Fréquence Libre. Il est 14h21, 14h22 maintenant. Vous venez d'écouter Thunderstruck du célèbre groupe AC/DC. Ça fait du bien un peu de rock comme ça. Oui, c'est des bons sons qu'on aime bien. C'est vrai. Et bien sûr, comme vous venez de l'entendre, nous sommes toujours en compagnie d'Adam Etienne, qui est venu nous parler de son entreprise Rustique Bois. Ça va toujours ? Ça va. Donc, même question, même châtiment que pour la première pause musicale. Pourquoi cette chanson de AC/DC ? C'est pareil, c'est une musique qui est dans un bon film que j'aime bien, Battleship. D'accord. Dans une des scènes finales qui est assez sympa à regarder aussi. Ok. Donc, comme je le disais avant de lancer la deuxième fréquence, nous allons désormais parler des procédés que vous utilisez pour travailler, dont un procédé qui n'est pas forcément parlant pour les novices en la matière, l'électrolyse. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'électrolyse, c'est en gros un concept qui... En fait, vous mettez un... ça permet d'électriser en fait le bois. D'accord. Et en électrisant le bois, ça brûle. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle le procédé de Lichtenberg. Voilà. D'accord. Et du coup, ça creuse en fait le bois comme des... Ça fait comme des branches en fait. D'accord. Et après, soit vous laissez comme tel, vous poncez un coup, mettez un coup de vernis, soit vous mettez de la résine époxy dedans ou autre. Enfin, voilà, c'est assez sympa. D'accord, c'est pour... Soit pour peut-être pour vieillir le bois ou juste pour donner un côté esthétique ? Non, c'est plus un côté esthétique, parce que pour vieillir, autant laisser le bois dehors, ça vieillira tout seul. D'accord. Mais là, c'est vraiment plus de l'esthétique pour voir vraiment le dessin des arbres et des branches qui filent le long du bois, quoi. D'accord. Donc justement, est-ce que les clients, quand ils vous demandent de fabriquer telle ou telle chose, est-ce que c'est eux qui choisissent le procédé s'ils s'y connaissent, ou est-ce que c'est vous qui décidez que l'électrolyse serait bien ici et pas là, ou etc.? Ben, ça dépend. Il y a des clients qui connaissent, donc ils m'en parlent. Après, en fonction du projet, on se met d'accord ou pas, si ça leur convient. Sinon, je leur montre des échantillons que j'ai fait. D'accord. Et pour leur proposer éventuellement ce qui est faisable de faire, en fait. Et après, ils valident ou pas. D'accord. Et vous, ça, j'imagine que oui, mais ça vous plaît de travailler l'électrolyse ? C'est sympa, oui. Puis c'est pareil, c'est toujours de la pièce unique, parce que on gère pas le courant, donc c'est toujours vraiment unique. Mais donc justement, pour lancer ce procédé d'électrolyse, comment vous faites pour brancher, entre guillemets, le bois ? Ah, ça c'est secret défense. Ah, d'accord. Non, après, il n'y a rien de sorcier. Il y a des tutos sur Internet, tout le monde peut le faire, mais par contre, c'est assez dangereux. Oui, donc il faut quand même s'y connaître un minimum. Voilà, c'est ça. Surtout en électricité, quoi, parce que c'est quand même, y a quand même du courant qui passe. C'est vrai. Donc, quand vous commencez à travailler sur un projet qu'on vous donne, quelles sont les étapes que vous suivez ? Eh ben, d'abord, le client me contacte. Mm-hmm. Après, je vais voir avec lui pour sa demande. Je vous propose tout ce qui est faisable de faire. D'accord. Et après, sur devis, le client valide ou pas. Mm-hmm. Et puis après, la fabrication, la finition, puis la pose. D'accord. Donc justement, comme vous parlez de devis, si vous pouvez en parler, si vous avez le droit, si ça vous tente, hein, oui. Bien sûr. Quelle est la fourchette entre les devis, à peu près ? La fourchette de ? De prix. Ça dépend du projet. D'accord. Ça peut être variable, c'est du tout au tout. Je peux pas vous dire ça comme ça. D'accord. Ça dépend vraiment du projet. D'accord. Et peut-être de la taille de la pièce travaillée aussi ? Ça dépend de la taille de la pièce, ça dépend de la finition dessus, ça dépend de beaucoup de choses, du prix de la matière première. D'accord. Donc voilà. Oui, du temps passé, logique. Bien sûr, aussi. Oui. Oui, en tant que chef d'entreprise, vous devez de rentrer de vos frais, c'est normal. Voilà. Donc justement, quand vous commencez à travailler sur un projet, est-ce qu'il vous arrive de commencer sur une maquette PC, donc en 3D, avant de travailler réellement le bois ou pas du tout ? Ça dépend, mais oui, j'ai récupéré un logiciel qui est pas trop mal. Et du coup, c'est pas évident à travailler dessus, mais le peu que j'y arrive, j'essaye de dessiner au préalable les pièces à fabriquer. D'accord. Et après, vous êtes aidé de machine ou c'est vous qui faites tout manuellement de A à Z ? Non, j'ai pas de commande numérique ou quoi que ce soit, c'est tout artisanal. D'accord. Donc justement, vous en avez parlé tout à l'heure, et puis moi personnellement, c'est aussi un sujet qui m'intéresse. Connaissez-vous la résine époxy ? Je connais un peu, après je ne suis pas un professionnel. Là, pour l'instant, je suis plus au stade expérimental, on va dire. D'accord, donc justement, j'allais vous demander si vous arrivez à l'utiliser pour vos créations. Oui, bah, comme pareil, une des publications que vous avez faites sur Facebook, il y a une petite table basse ou même les plans de travail de la cuisine où dans les défauts du bois, j'ai coulé de la résine époxy. D'accord. Tout ce qui est nœuds, gerce et tout ça, et ça rend pas mal. D'accord, donc là aussi pour un côté esthétique, bien sûr. Voilà. Ok. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, il nous reste encore du temps, bien sûr. Avant de conclure, et avant que je vous partage quelques infos locales, je vous propose que nous nous lancions dans une troisième et dernière fréquence, et que nous écoutions un autre son rock metal que vous avez choisi, toujours, avec Metallica. C'est ça. Et leur titre de 1991, Nothing Else Matters. Et vous connaissez, on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct dans Fréquence Libre, il est 14h34, vous venez d'écouter Nothing Else Matters de Metallica, et nous sommes toujours en compagnie d'Adam Etienne, qui est venu nous parler de son entreprise Rustique Bois. Ça va toujours ? Ça va, merci. Donc, même question que pour les deux précédentes fréquences, pourquoi cette chanson ? C'est une musique que j'aime bien, parce qu'il y a pas mal de nuances d'intensité dans tout le long de la musique, et j'aime bien, c'est sympa. D'accord, donc là, ce n'est pas une musique tirée d'un film ? Non, pas spécialement. D'accord. Donc, nous arrivons bientôt, du coup, à la fin de cette émission. Donc, si nous voulons vous contacter pour vous proposer des projets ou vous demander de construire quelque chose, comment pouvez-vous nous faire ? Alors, vous pouvez me contacter par adresse mail. Alors, c'est rustique-bois@laposte.net. D'accord. Et sinon, sur mon numéro de portable, qui est le 06 86 20 76 62. D'accord, on mettra tout ça en lien avec le podcast de cette émission, quand on le postera dans la journée ou demain, du coup. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé, mais qui mériterait absolument de l'être ? Eh bien, du coup, je fais partie, par mon entreprise, du coup, de l'association Une Bouche du Trust. D'accord. Qui a été présidée par Rudy Lestaminet, à qui je fais un clin d'œil, bien sûr. Bien sûr. Et qui est vraiment une association d'artisans locaux et qui rassemble vraiment de tous horizons, mais des artisans locaux. Et c'est franchement une association intéressante. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, avant de rendre l'antenne, je vais partager quelques infos locales. Une bonne nouvelle par rapport au Covid-19. Voilà, il faut bien en parler, hein, même si on en entend beaucoup trop parler. Oui. Mais voilà, le Vosgien céramique, enfin, c'est surtout aussi pour nos amis sportifs, le Vosgien céramique serait en lice pour faire valider son masque pour sportifs. Est-ce que vous faites du sport ? Pas spécialement, non. D'accord, donc ça ne vous concerne pas forcément. Du coup, une autre info locale qui pourrait prêter à rire, mais finalement pas du tout. Les douanes du bureau d'Ennery en Moselle ont découvert fin janvier le crâne d'une espèce de crocodile protégé, le crocodile du Siam, dans les locaux d'une société de fret express à Metz. En provenance de Chine, il était à destination d'un particulier habitant près de Saint-Avold. Chez lui, les agents ont également trouvé d'autres squelettes d'animaux, tortues, alligators, serpents, ainsi que des munitions de guerre. L'homme, qui s'est dit collectionneur, ne possédait pourtant aucun justificatif. C'est un petit peu glauque, on peut dire, je pense. Oui, un peu. Et enfin, peut-être que vous ne le savez pas, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, car ici, à Radio Gemozo, on aime apprendre des choses aux gens. Le saviez-vous, une partie des eaux de la Moselle se jette en Méditerranée ? Très certainement. Je ne savais pas. Ok. Bon, voilà, c'était quelques infos locales. Du coup, un dernier mot, peut-être, avant de nous dire au revoir ou pas ? J'ai pas grand chose à dire, à part que je vous remercie déjà de l'invitation. Ben, merci à vous d'avoir accepté. Ah ben, y a pas de souci, ça fait toujours plaisir de partager ça. Voilà. D'accord, c'est tout ? Ouais, okay. J'ai pas grand chose à dire. Merci beaucoup à toute l'équipe. Et de rien, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Du coup, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie du coup une nouvelle fois Adam Etienne d'avoir accepté notre invitation. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h. Et vous aurez le podcast soit, comme je le disais, dans la journée ou demain. Voilà, donc si vous voulez le récupérer, vous pourrez. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai cette fois Michel Laurent, photographe, pour son exposition « À qui sont ses yeux ?», qui se termine à la fin du mois de février. Avez-vous déjà entendu parler de cette exposition ou pas du tout ? Pas de l'exposition, mais je connais Michel Laurent. Ah bah d'accord, et bah on le recevra demain. En attendant, je vous laisse en musique avec d'ici quelques secondes 50 Cent et Inda Club, juste après le générique. Merci de votre fidélité à Radio Gemozo. Donc salut tout le monde et à demain.